cinéma production, yeah. Je reste ghetto, hey, nouvelle version. Yeah. À bord de bolide, on se promène. N'en pas les moyens. Ici, c'est moins que le salaire du français moyen. On trime et reste en chien. Écoute-moi bien, car pour une connerie, tu ne reverras peut-être pas les tiens. On se contente de ce qu'on a, même si on voudrait plus. Beaucoup de refraits prennent encore le bus. C'est quoi dire de plus? Les murs parlent d'eux-mêmes. Ce sont les seuls témoins de cette pauvre misère humaine. J'aurais aimé troquer les kilos pour avoir un boulot. Le manque de diplôme a fait de moins soldats, mais d'un stylo. Mes cartouches sont noires et reflètent l'espoir. Mes cartouches sont bleues et font des envieux. Des hématomes au moral, la France va mal. Qui sont les vrais racailles? Quand on se fait un peu blé, t'es sûr que l'État viendra nous racketter? Faut pas nous raconter n'importe quoi, on sait que de nous vous profitez. J'reste ghetto, hey, j'reste ghetto, hey. Pour ma ville de beau, pour mes photos, j'reste ghetto. J'reste ghetto, hey, j'reste ghetto, hey. J'reste ghetto, hey, le thème c'est ghetto, hey. J'reste ghetto, hey, j'reste ghetto, hey. Pour ma ville de beau, pour mes photos, j'reste ghetto. J'reste ghetto, hey, j'reste ghetto, hey. J'reste ghetto, hey, le thème c'est ghetto, hey. Les jaloux parlent, ça se concrétise. F.I. de Z.I. Suce-moi le Mr. Freeze. Freeze, freeze. Plus personne ne bouge. Il remixe du Grease. J'appuie sur le bouton rouge et la machine est lancée. Essaye de m'arrêter. Qui est Fuzzy Compo 118 212 12 12 12 mèches dans la poche. Retourne dans ta pelouse. Regarde-moi passer en Porsche. Porsche, Porsche. Je peux passer en force. Je crochète les claques même si je ne suis pas en force. Mais va voir ton dealer de son. Dis-lui de se mettre à jour. Y'a de la Fuzzy production. Yeah. En attendant l'album, un petit G sur un cinéma beat production. Yeah. Fuzzy prod. Yeah. Allez, on se fait les dents sur le refrain. On le connaît. J'reste ghetto, hey. J'reste ghetto, hey. Pour ma ville de beau, pour mes potos, j'reste ghetto. J'reste ghetto, hey. J'reste ghetto, hey. J'reste ghetto, hey. Le thème c'est ghetto, hey. J'reste ghetto, hey. J'reste ghetto, hey. Pour ma ville de beau, pour mes potos, j'reste ghetto. J'reste ghetto, hey. J'reste ghetto, hey. J'reste ghetto, hey. Le thème c'est ghetto, hey.